Chapitre 22e. Cette lettre de Thérèse, écrite le 24, fut remise au colonel le 25. Plus heureux cette fois que dans ses précédentes expéditions, Denisot parvint à sortir de Paris et à trouver les volontaires dans le bois de Vincennes, où il s'exerçait au tir à la cible, devant l'une des buttes adossées aux tribunes des courses. Mais au moment où Denisot arrivait auprès du bataillon, le colonel, un genou en terre, le fusil en joue, était en train d'ajuster la cible. Près de lui, Antoine attendait son tour pour tirer. Avant de remettre les lettres dont il était porteur, il lui fallut attendre que l'exercice fût terminé. Enfin, le colonel put ouvrir la lettre. C'était la première fois que Thérèse lui écrivait. Ceux de ses camarades, qui l'observaient, le virent à plusieurs reprises sourire avec un air de contentement et d'allégresse. Mais tout à coup, son front se plissa et les feuilles de papier tremblèrent dans sa main nerveuse. La marquise. Ce qu'il avait craint s'était réalisé. Il relut tout le passage qui parlait de Madame de Lucilière, en étudiant chacun des mots significatifs qui pouvaient lui donner quelque éclaircissement. Une visite de 2 heures. Parlez de vous. Ne peut pas répéter ce qu'elle a dit. Vive affection. Il se doutait bien que dans cette visite de 2 heures, elle avait parlé de lui. Mais dans quel sens? Et qu'avait-elle dit? Et Thérèse, qui ne pouvait pas le répéter. Pourquoi? Mais rien ne pouvait le guider dans cette recherche. Il allait d'induction en induction, au hasard, sans rien de certain. Incapable de trouver dans la lettre de Thérèse un indice suffisant pour le guider, il voulut interroger Denisot. Mais encore ne put-il pas le faire franchement, car bavard comme il était, Denisot, en rentrant à Paris, ne manquerait certes pas de répéter à Thérèse tout ce qu'il avait fait dans cette excursion, aussi bien que tout ce qu'on lui avait dit ou demandé. Par expérience, il savait comment Denisot comprenait les récits. Il fut donc obligé de procéder prudemment. Mais Denisot ne savait rien. Il n'était pas à l'hôtel quand Madame de Lucilière était venue, et il n'avait entendu parler de cette visite que par le blessé qu'elle avait tenté d'enlever. Comment parer au danger qu'il pressentait, sans pouvoir découvrir au juste quels ils étaient présentement et quels ils seraient dans un avenir plus ou moins prochain? Écrire à Thérèse? Sans doute cela était possible, mais comment s'expliquer dans une lettre? Surtout comment la forcer à s'expliquer elle-même? Il s'écrirait 20 lettres, sans arriver à rien de précis. Il n'y avait qu'une chose à faire, aller à Paris et la voir. En partant immédiatement, il serait revenu avant le soir, tranquille pour le reste du siège. Rien de grave ne se passerait dans la journée. Il régnait un calme parfait. Pas une détonation de près ou de loin, pas de ces petits nuages blancs qui, en ces derniers jours, indiquaient, alors qu'on n'entendait aucun bruit, qu'un combat se livrait à une certaine distance. C'était son bonheur, son avenir, qui était en jeu. Il ne pouvait pas les sacrifier ainsi. Et puis, à la raison qui le poussait vers Paris, se joignait maintenant le sentiment. Il allait la voir, et son sang coulait plus vite dans ses veines. « Est-ce que vous ne me donnez pas une réponse ?» demanda Denisot, voyant qu'il ne se disposait pas à écrire. « La réponse, je vais l'apporter moi-même en allant avec vous. »« En voilà une bonne idée. C'est Thérèse qui va être contente. » Il ne pouvait pas partir ainsi. Il était soldat. Il lui fallait la permission de son commandant. Son commandant, Michel. Là commençait déjà ce qu'il y avait de pénible dans l'exécution de son projet. Cependant, il ne se laissa pas arrêter par la répugnance qu'il éprouvait à lui demander cette permission. Michel se promenait devant le campement avec l'un de ses capitaines. Le colonel marcha à lui et portant la main à son képi. « Mon commandant, je viens vous demander un moment d'entretien. Pouvez-vous me l'accorder ?»« Tout de suite, » répondit Michel, et le capitaine s'éloigna. Ils restèrent en face l'un de l'autre. « Je viens de recevoir une lettre de ma cousine, » dit enfin le colonel. « J'ai aussi reçu quelques lignes de Thérèse, dans lesquelles elle me dit que tout va bien, à l'ambulance. » Ainsi, leur antagonisme se marquait dans les paroles les plus simples. Tandis que le colonel était obligé d'appeler celle qu'ils aimaient l'un et l'autre « ma cousine », Michel affectait de l'appeler Thérèse tout court. Mais tandis que Michel ne pouvait parler que de quelques lignes, le colonel serrait dans sa main les 5 feuilles de papier qu'il venait de lire. « Bien que je sois sans inquiétude du côté de l'ambulance, » dit-il, « je viens cependant vous demander la permission d'aller à Paris. »« À Paris ?» Cette exclamation s'échappa si irrésistiblement du cœur de Michel qu'il ne put la retenir. « Il s'agit d'une courte absence. Je reviendrai ce soir. » Michel avait repris son sang-froid et de ses yeux sombres, il regardait son rival sans parler, sans répondre. « Dans les conditions où nous sommes placés vis-à-vis l'un de l'autre, » dit-il enfin, « je ne puis pas vous refuser cette permission. » La réponse était telle que le colonel se redressa sous le coup qui venait de l'atteindre, mais la réflexion lui vint et ferma ses lèvres. Que dire à moins de tout dire? Et précisément, il avait promis qu'il n'y aurait aucune querelle ni aucune explication entre Michel et lui. À son tour, Michel attendait dans l'attitude d'un homme prêt à engager la lutte. Il fallait se taire et baisser la tête. Le seul coupable en cette affaire, c'était lui, qui n'avait pas su résister à la tentation d'aller à Paris. « J'attends cette permission pour partir, » dit-il d'une voix qu'il tâcha de rendre calme. Michel fut évidemment stupéfié par cette réponse et longuement, profondément, il regardait cet homme qu'il avait cru brave. « C'est bien, » dit-il, « venez avec moi, je vais vous l'écrire. » Le colonel le suivit, et en chemin ils n'échangèrent pas une seule parole ni un seul regard. Au moment d'écrire la permission, Michel releva la tête. « Pour combien de jours voulez-vous cette permission ? » demanda-t-il. Il poursuivait son avantage. « Je vous ai dit que je rentrerai ce soir, » répondit le colonel. « C'est bien, alors j'écris sous votre dictée. » Et il tendit la permission que le colonel prit sans un seul mot. Ayant salué un soldat, et pour bien marquer qu'il n'était à cette heure qu'un soldat, il sortit. Comme il se dirigeait vers l'endroit où il avait laissé Denisot, il aperçut celui-ci qui venait à lui avec Antoine. En approchant d'eux, il lui sembla lire une sombre préoccupation sur le visage de son oncle. Il sut bientôt la cause de cette préoccupation. « Est-ce vrai ce que me dit Denisot ?» demanda Antoine. « Antoine ne veut pas croire que vous rentrez avec moi à Paris, » s'écria Denisot. « Il prétend que vous vous êtes moqué de moi. »« Je ne rentre pas à Paris, comme le dit Denisot, » répliqua le colonel. « Ah !» s'écria Antoine. « Seulement, je vais passer une heure à Paris pour une affaire importante. »« Vous avez une permission du commandant ?» dit Antoine. « Je viens de la lui demander. » Antoine parut réfléchir un moment, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'on lui disait. Puis tout à coup, prenant le bras de son neveu et l'entraînant à l'écart, « Mon cher Édouard, je vous prie de... n'allez pas à Paris. »« Mais mon oncle... »« Oui, c'est comme votre oncle qui vous parle. »« Comme votre ami. » pour vous demander de renoncer à ce départ. Mais je vous répète qu'il s'agit pour moi d'une affaire très importante. Eh bien, remettez cette affaire, vous ne savez pas quelles conséquences votre départ peut amener. Mais il ne se passera rien. Les Prussiens font le dimanche. Et s'il devait se passer quelque chose, si l'on entendait le canon, partiriez-vous? Mais ce n'est pas mais que vous voulez répondre, c'est non, j'en suis certain. Si l'on nous donnait l'ordre de nous mettre en marche, vous n'iriez pas à Paris. Vous marcheriez d'un rang, n'est-ce pas? Assurément. Vous le dites vous-même. Vous n'abandonneriez pas votre poste si l'on se battait. Eh bien, l'abandonner en ce moment est peut-être plus grave. Mais, mon cher oncle, c'est par patriotisme que vous êtes engagé parmi nous, vous qui pouviez très bien ne pas prendre part à cette guerre. C'est à ce patriotisme que je fais appel en ce moment, et vous m'entendrez. Le colonel fut ébranlé par cette persistance et surtout par l'accent de son oncle. « Que voulez-vous donc ? » dit-il. « Que vous n'alliez pas à Paris. » Depuis ce matin, Michel a reçu plus de 20 demandes de nos camarades. Le dimanche, le beau temps, surtout la conviction où l'on était qu'on ne ferait rien aujourd'hui. Tout cela avait éveillé les esprits. Et puis dans ce bois, il semblait qu'on était à la promenade. Enfin, il y avait des gens qui avaient sérieusement besoin d'aller chez eux, pour voir si leurs femmes et leurs enfants avaient de quoi manger. Il y a un de nos camarades qui a quitté sa petite fille mourante et qui, depuis qu'il est sorti de Paris, ne sait pas s'il l'a perdue ou si elle est sauvée. Celui-là aussi a demandé une permission. À tous, aussi bien à celui-là qu'aux autres, à ceux qui voulaient se promener comme à ceux qui voulaient aller au secours de leur famille, Michel a refusé cette permission, car il ne pouvait pas en accorder une seule, sous peine d'être entraîné à en accorder 10. À en accorder 100. Tout à l'heure, Denisot a dit que vous partiez avec lui. Pourquoi Denisot a-t-il parlé? Pourquoi avez-vous parlé vous-même? Quoi qu'il en soit, Denisot a été entendu, ses paroles ont été répétées. Il s'est élevé une sorte de rumeur dans tout le bataillon. Les uns disaient que le commandant ne peut pas vous refuser la permission que vous lui demandez, attendu que vous n'êtes pas un simple volontaire comme nous tous. Mais si, j'ai toujours voulu n'être que cela, et partout, en tout, je n'étais que cela, vous le savez, vous l'avez vu. Les autres, au contraire, disent qu'il n'y a pas de raison pour vous traiter autrement qu'ils n'ont été traités eux-mêmes, que nous sommes tous égaux devant la discipline, et que si vous ne vouliez pas vous soumettre à cette discipline, il ne fallait pas vous engager. Ils ont raison. Vous le reconnaissez. Mais reconnaîtrez-vous aussi qu'ils ont raison de dire que si vous allez à Paris avec une permission, ils iront eux, avec ou sans permission, attendu que la loi est faite pour tout le monde et que tout le monde doit s'y soumettre, ou tout le monde peut y manquer. Mais on fait des exceptions aux règles les plus strictes, quand ces exceptions sont justifiées par les circonstances. Il est peut-être permis de faire ces exceptions dans des corps où les chefs ne sont pas les égaux de leurs soldats. Mais chez nous, mon cher Édouard, vous comprenez, sans qu'il soit besoin d'explication, que cela est impossible. Quelle autorité aurait notre commandant? Voulez-vous le perdre? Vous savez bien que j'étais le premier à demander que nous soyons de vrais soldats. C'est justement pour cela que je vous adresse ma question. C'est au soldat que je parle. C'est à l'homme qui, depuis qu'il est dans nos rangs, s'est efforcé par ses paroles aussi bien que par ses actes de nous inspirer l'esprit militaire. Je vous jure que si vous allez à Paris, Michel est perdu parmi nous. Il sait se faire obéir, il sait même faire respecter son autorité. On ne lui obéira plus. Et l'on se moquera de lui. Ce n'est pas là ce que vous avez voulu, n'est-ce pas? C'est vous, mon oncle, qui me parlez ainsi. Oui, j'ai tort. Vous êtes, je le sais mieux que personne, incapable d'un pareil sentiment. Vous n'avez pas réfléchi, n'est-ce pas, à la composition de notre bataillon et à la position que vous occupez parmi nous. Peut-être pardonnerait-on à Michel d'accorder une permission à un ami personnel, après l'avoir refusé à ses camarades. Cela amoindrirait son autorité, mais ne la démolirait pas. Mais vous, on ne vous regardera pas comme l'ami personnel de Michel. On vous regardera comme son chef, comme son maître. N'est-ce pas vous qui avez armé et équipé le bataillon à vos frais? Le bataillon vous appartient, et vous le montrez. Voilà ce qu'on dira. Je ne dis pas tout le monde, mais il suffit que quelques-uns le disent pour que dans 8 jours notre bataillon soit disloqué. Le colonel réfléchit un moment, puis, prenant la permission qui était dans la poche de sa vareuse, il la déchira en 4 morceaux. Antoine serra fortement la main de son neveu. « Maintenant, dit-il, j'ai encore une demande à vous adresser, une prière. Permettez-moi de dire tout haut que Michel vous a refusé cette permission. » À cette demande, le colonel répondit par un geste de refus qui lui échappa. Mais presque instantanément, cette révolte se calma. « Je le dirai moi-même. Ah, mon neveu, vous êtes un homme de cœur. Dites de volonté, mon oncle. Vous ne savez pas ce que me coûte le sacrifice que je viens de vous faire. C'est mon bonheur que j'expose et que peut-être je perds. »